T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, Planète Indie, ça commence maintenant, nous sommes le samedi 1er avril et rassurez-vous, l'émission de ce jour n'est pas un poisson. Comme chaque mois, on est là pour vous présenter le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, le meilleur de la musique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, on a énormément de nouveautés. J'étais en train de faire le compte il y a quelques minutes avant de commencer cette émission. Il y a énormément d'artistes qu'on n'a encore jamais entendus sur cette antenne. Je vous en cite allez, quelques-uns pour vous faire saliver. On écoutera Donny Bonnet, on écoutera Will T. Massey, on écoutera Manon Tanguy, Diane Mink, Steph Sini, les Lowlands and Friends, on écoutera Hometown Murray. Tout ça, ce sont des gens, des artistes qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre dans cette émission. Donc restez bien avec nous, nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 18h30, c'est Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Et pour commencer cet épisode numéro 383, eh bien, je vous propose d'écouter le morceau Telepathic Heights. C'est interprété par le groupe This Human Condition. Et puis après cela, on ira voir un peu ce que le Kurt Dimmer Band nous racontera avec son Burning Man. Allez, je me tais, place à la musique. Ça commence tout de suite avec This Human Condition Telepathic Heights. The most vibrant, active, creative, revolutionary area in Britain. Yes!

Take your hooks out of my flesh. Unwrap me from your nets. C'était le Kurt Dimmer Band avec Burning Man et on a commencé cette émission avec This Human Condition et Telepathic Heights. Il y a 20 ans, en 1996, Toons Van Zandt jouait son dernier concert à Londres. Et j'ai reçu il y a quelques semaines de cela un CD du groupe Lowlands qui a invité certains de ses potes à reprendre eh bien, la setlist, les morceaux qui étaient chantés lors de ce concert par Toons Van Zandt. Et je vous propose d'en écouter un morceau. On va donc revenir en arrière en 1996 à Londres à ce concert. Et on va écouter le morceau Dollar Bill Blues, Toons Van Zandt repris par Lowlands and Friends. Et puis après cela, on ira voir Sal Lima avec The Best Is Yet To Come. Bah oui, c'est vraiment, ça préfigure ce qui va encore se passer jusqu'à 18h30. Le meilleur est encore à venir. Dollar bill, yeah, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Little darling, she's a redhead thing, man, she makes my legs to sing. Gonna buy her a diamond ring early in the morning. Road, busted. Alors, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas du direct, ce n'est pas le bon morceau qui a été programmé, donc je vous le remets. Voilà, c'était ça. Sal Lima, The Best Is Yet To Come. Et après lui, on écoutera Hometown Mary avec Yours Tonight. The best is yet to come. Believe me now. I'm looking out my window. As far as I can see. And all that lies beyond the sun. The best is yet to come. I've got to tell you, the best is yet to come. Believe me now. Standing at my doorstep, uncertain where to go. Regardless of the path I take, there's something you should know. The best is yet to come. I've got to tell you, it's time to rise and shine. I want you might in Constantine. And I know this is crazy even for me. Voilà, c'était Hometown Mary, une autre nouveauté avec le morceau To Yours Tonight. 17h24, vous êtes très nombreux à nous écouter. Je vois qu'on a des gens qui nous écoutent aux États-Unis et du côté de Chypre aussi notamment, donc welcome all. Il est l'heure pour nous maintenant de passer à notre album Powerplay du jour. L'album que je vais vous faire découvrir vous nous emmène quelque part au loin dans la campagne, dans une ville qui s'appelle Americana, USA. Dans cette ville, eh bien, elle est peuplée d'auteurs, compositeurs, interprètes, des gens qui voient une ou qui ont une sensibilité mélodique et qui la découvrent à travers le fond d'un verre de whisky. La chanteuse canadienne Lynn Hanson, eh bien, elle pourrait être le meilleur, le bourgmestre de cette ville. C'est ainsi que commence sa biographie sur son site internet. Vous l'avez donc compris, nous allons partir à la découverte de cette chanteuse, compositrice, auteure, interprète qui s'appelle Lynn Hanson, et pour l'occasion, elle est accompagnée du groupe Les Good Intentions. Alors Lynn Hanson, elle a grandi au Canada, du côté de Ottawa. Elle a commencé à jouer de la guitare quand elle était encore qu'une ado. Elle a travaillé dur et puis elle a enfin réussi à sortir son premier album qui s'intitulait Things I Miss en 2006, qui lui a déjà valu de la reconnaissance. Deux albums ont rapidement suivi, l'album 11 Months en 2008 et Once the Sun Goes Down en 2010. Elle a attiré de plus en plus l'attention, si bien que ça lui a valu une nomination en 2009 pour le Canadian Folk Music Award et puis aussi une invitation au Kerryville Folk Festival. Et aussi une invitation pour le prestigieux Colin Peterson Songwriting Award qui était géré par le Conseil des Arts de l'Ontario. Elle s'est arrêtée quelques années et puis elle a repris l'aventure pour de nouvelles aventures musicales. Elle a réécrit un nouvel album, c'était son quatrième album studio River of Sand en 2014. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour sa présentation et de partir à la découverte donc d'un premier extrait de ce sympa, album sympa, qui s'appelle Seven Deadly Spins, Lynn Hanson, accompagnée du groupe Les Good Intentions. Pour l'occasion, vous verrez plus tard pourquoi eh bien, elle a crédité le groupe de cette façon. Pour l'heure, on écoute un premier extrait, My Mama Said, extrait donc de cet album de Lynn Hanson and The Good Intentions. Power play. Power play. Church bells ring on Sunday, they call the Lord again. Good good sinners hurry past my cell, call some cells when I call them. There's bars on my window, I can barely see the sun. Judgment passed upon me, I will hang for what I've done. I'm set to hang for the evil that I've done. No hope for redemption, her words are ringing in my head. The world will be a better place, that's where my mama said. Fill my thoughts, I could no more change what I am than a leopard changes spots. A preacher from my town always said I was a curse. At barely 16 years of age, I tore him from this earth. I sent his soul tumbling from this earth. No hope for redemption, her words are ringing in my head. The world will be a better place, that's what my mama said. Spared a breath, my hands got only tighter, a noose around that neck. Sunrise inches closer, no mercy break my fall. I watched the growing shadow of the gallows on my wall. I watch as death crawls across my wall. No hope for redemption, her words are ringing in my head. The world will be a better place, that's what my mama said. Ceases to stop from end to end, end to end. Did you hear about it? Did you get the call? It happened over again and again. Word travels quick to the people now. It never ceases to stop from end to end. Cried. Some people ran and some people died. A man with a grudge, he went too far. All over again, man, it was bizarre. It was bizarre. It's better not to know, my friend. I wish we could escape from end to end. Jam. I'll see you in the next from end to end. End to end. Comme vous l'avez certainement remarqué, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Après Lynn Hanson et les Good Intentions, on a écouté John Rhys avec End to End. Et à l'instant, c'était les Tomboys avec Don't Ask Me Why. Le prochain morceau, ça va aussi aller dans tous les sens. C'est Theodore Black avec Rollies and quoi. Je ne sais pas si on peut le dire. Hein. Allez, on le dit. Rollies and Sex, Theodore Black. Et puis après cela, retour sur notre album Powerplay. Donc, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je m'avance un peu trop rapidement. Puisqu'après Theodore Black, on écoutera encore Kelly Zeldot. Et puis seulement après, on retournera sur notre album Powerplay. Yeah. Yeah. I woke up and heard every little single word that the world was feeling. So many closed their minds, leaving others far behind in this world of so much sorrow. Oh yeah, the world's on fire and everybody's getting wired. No one's really paying much attention. Oh yeah, the world's on fire and everybody says they're tired while we walk in the wrong direction. But we keep walking. Flames consume us all. In our pride we stand too tall and take away another's freedom. Afraid of the boogeyman coming from a desert land. Aren't we all just human? Oh yeah, the world's on fire. Everybody's getting wired. No one's really paying much attention. Oh yeah, the world's on fire and everybody says they're tired while we walk in the wrong direction. But we keep walking. C'était Kenny Slott avec son morceau On Fire. C'est vrai que ça réchauffe pas mal. 17h45, il est bien temps de retourner sur notre album Powerplay, l'album de Lynn Hanson accompagné des groupes Les Good Intentions, un album intitulé Seven Deadly Spins. On en était resté tout à l'heure avec la sortie de son album River of Sand en 2014, un album qu'elle avait sorti après un petit break de 4 années. Et puis on recommence tranquillement. Au cours d'un concert, il y a quelqu'un du public qui lui a suggéré de faire un album de Murder Ballads, c'est-à-dire un album de ballades noires, on pourrait dire. Sa première réaction, ça a été de rire, et puis de rire de l'idée. Elle a trouvé ça l'idée sympa, mais elle voulait l'a pris du côté de la plaisanterie. Hein. En fait, son album River of Sand, dont on vient de parler, venait de sortir il y a tout juste un an, et il n'y avait pas aucune urgence à sortir un nouvel album avant au moins une nouvelle année. Et puis au cours de ses réflexions, elle a trouvé le titre parfait, Seven Deadly Spins. Et puis elle s'est dit, maintenant j'ai un titre super, il faut vraiment que je le fasse. Bon, ce qu'il y a à l'époque, c'est qu'elle devait se faire opérer du genou. Et donc elle s'est dit, je vais profiter de ma rééducation pour écrire cet album. Et puis elle était tout optimiste parce que, eh bien, elle s'est dit, bah voilà, ce ne serait que 7 morceaux, ça va me prendre un peu moins de temps que les 11 ou 12 albums, les 11 ou 12 chansons qui se trouvent habituellement sur un album. Bah finalement, ça lui a pris exactement le même temps, la même énergie, parce qu'en fait, c'est un album un peu concept, puisqu'elle ne voulait pas qu'il y ait de choses qui correspondent pas à la philosophie de cet album, donc des ballades noires. Et elle a commencé un peu à paniquer aussi 2 semaines avant la sortie, puisque l'album était prévu pour sortir au moment d'Halloween et c'était pas encore tout à fait prêt. Donc elle a demandé l'aide d'un de ses amis d'Ottawa, Al Wood, et ils ont coécrit quelques morceaux, donc notamment le morceau First One's Free ou l'autre morceau Cecil Hotel. C'est pas dans cette habitude, comme elle dit, de sortir quelque chose quand elle n'est pas complètement sûre de son produit. En règle générale, elle le joue devant le public avant de le sortir. Voilà, on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un second extrait. Celui-ci, c'est le morceau Water's Edge, je vous rappelle son nom. Lynn Hansen, accompagnée du groupe Les Good Intentions. Je vous ai mis aussi une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Et puis on écoute donc ce morceau, Water's Edge. Power play. Power play. Shops were blade fails trees, liars cheat and lovers leave. You knock me down, you cut me to my knees. Shot of courage, kitchen knife to time and man took his life. He broke my heart, so I made him bleed. I'm digging in the dark by the light of the moon. For my life, some will be up soon. Oh, I'm digging to hide what I've done. Here's my lover lies dead. I'm digging 6 feet down by the water's edge. Tattered dress, bloody hands, dirt covers my wedding band. I feel cold, sweat running down my back. Second thoughts, no sinner's mind. My thoughts are of a different kind. There's no regrets when a soul turns black. I'm digging in the dark by the light of the moon. I'm digging for my life, sun will be up soon. Six feet down by the water's edge. I am 6 feet down by the water's edge. this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Robert Bashinsky from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. À l'instant, elle s'appelle Denis Bonnet et le morceau s'intitule Magic Wand. C'est extrait d'un album intitulé Bright Shiny Objects, un album distribué au Benelux par Pias Rough Trade. Et je vous parlais de curieuses coïncidences puisque la semaine dernière je suis allé voir le concert de Lindsey Stirling à la Rocale, et puis j'ai découvert la semaine qui suit eh bien cette autre violoniste qui s'appelle Denis Bonnet. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit clin d'œil au concert dont je vous avais parlé, que je vous avais conseillé à le voir, et c'était très intéressant. C'était pas mal ce concert de Lindsey Stirling. Il y a aussi des choses qu'elle a dites qui sont tout à fait correctes. Je me souviens qu'elle a dit, puisqu'elle a raconté qu'elle avait participé à l'émission America's Got Talent, et on lui avait dit tu ne réussiras jamais à remplir une salle de concert avec ce que tu veux faire, tu es trop décalé. Bah, je peux vous dire que la Rocale, elle était bien remplie hein, samedi dernier pour ce concert. Voilà, on poursuit dans le monde de la magie, puisqu'on était avec Denis Bonnet sur le morceau Magic Wand. Là, on continue avec Magician Holiness. Elle s'appelle Wendy Webb. Et puis après ça, on écoutera les Nightbirds et le morceau Pieces. I swear I've never known a feeling more all alone than the doomed look a child gives when no one quotes us he lives in the land of the free. The pharaohs take what they will. Magician holiness and suburban steeples ring, but you know I can't hear nothing in the home of the brave. The pharaohs hire the slaves in the land of the free. Hey, spending your nights in town, rambling all around. You have places in half of the world. You wink at the other parts with a greedy little heart, trying to be everybody's girl. You're a wicked woman, but I love you. You've got to stop your crooked ways. You're a wicked woman, but I love you. My wayward lady, USA. Your ma and your pa were a couple of outlaws, but they found a new start in your eyes. You ought to let me do my thing, help my guitar ring, and stop turning your promise into lies. You're a wicked woman, but I love you. You've got to stop your crooked ways. You're a wicked woman, but I love you. My wayward lady, USA. You lie about the reasons for war. You love the soldier boys. You take my money and leave me poor, buying them their evil soldier toys. You're a socialite after big money, doing anything to make it flow. I wish that you would stay home more, honey, and help the homemade businesses grow. You're beautiful and strong, but your mind's been taken wrong. You've lived your life lucky to be free. You're paranoid and wild, like a war-torn child, confused and coming after me. You're a wicked woman, but I love you. You've got to stop your crooked ways. You're a wicked woman, but I love you. My wayward lady, USA. You're a wicked woman, but I love you. You've got to stop your crooked ways. You're a wicked woman, but I love you. My wayward lady, USA. Voilà, vous savez, j'aime bien parler de ces fameuses connexions magiques qui se font parfois lors de la préparation d'émissions. Eh bien, voilà une belle qui vient d'apparaître et qui, évidemment, m'a pas sauté aux yeux quand j'ai préparé cette émission, puisque Will Massey, qu'on vient d'écouter, nous interprétait Wayward Lady USA, et il chantait dans sa chanson « You're a wicked woman, but I love you », donc tu es une femme méchante, mais je t'aime quand même. Et le morceau suivant s'intitule « La veuve noire », donc en parlant de femme méchante, on est en plein dedans. Et puisque c'est de Veuve Noire qu'on parle, vous avez bien compris qu'on retourne sur notre album Powerplay, l'album des ballades noires de Lynn Hanson, accompagné donc du groupe Les Good Intentions. Cet album, eh bien, il est rempli d'une série de personnages plus méchants les uns que les autres. Il y a notamment un creuseur de tombes, un pyromane et une élégante tueuse de mari. Voilà, rien que ça. Quelques-unes de ces histoires, eh bien, sont dérivées ou dérivent de la fascination de Lynn Hanson pour sa lecture à propos des tueurs en série. Et puis quand elle lit à propos justement d'un de ces tueurs en série et qu'elle s'imagine le personnage dans sa tête, bah voilà, une fois qu'elle a ça en tête, c'est certain, elle sait qu'elle peut faire, qu'elle peut écrire une chanson à ce sujet. Musicalement, eh bien, comme vous l'avez remarqué, ces chansons sont un peu une sorte, représentent une sorte de solitude torturée. Que dire de plus ? Eh bien, cet album a été sorti de façon totalement indépendante, donc elle n'a pas cherché spécifiquement ou trop fort du financement à l'extérieur. Elle a trouvé ça amusant de le faire à 100% avec ses fronts propres et de faire tout, de posséder tout à 100%. Donc c'était quelque chose de nouveau pour elle. Et puis je vous avais dit qu'elle avait insisté pour créditer les Good Intentions dans cet album, puisqu'elle le voit un peu comme quelque chose de différent qu'un pur projet de Lynn Hanson, et elle dit que son groupe a joué, eh bien, un rôle plus large qu'il ne le fait d'habitude dans la création des chansons. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure, en clin d'œil, eh bien, qu'elle voyait cela comme une thérapie, une façon d'occuper sa convalescence après son opération au genou. Eh bien, en ce qui concerne l'efficacité de cette stratégie, elle a dit que finalement ça a bien marché, ça l'a gardée concentrée sur son objectif, puisqu'elle avait aussi une échéance à respecter, puisqu'elle voulait le sortir à l'époque d'Halloween, et elle l'a réussi. Voilà pour l'heure. Je vous l'ai dit, une vidéo d'un morceau de cet album sur notre page Facebook, et puis son album, son site web, c'est 3xwlynhanson.com, c'est lynhanson.com, comme ça vous savez vraiment tout. Et si vous avez oublié quelque chose, eh bien, vous allez voir sur notre page Facebook, où vous réécoutez cette émission demain, puisqu'elle sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette fréquence. Allez, on l'écoute avec le morceau Black Widow, la veuve noire, Lynn Hanson and the Good Intentions. Power play. Every man is gonna be. She's from every fire. drop like flies. Oh, it never ends well. The rumors swerve, but dead men don't tell how she plans to the smallest detail. She had never been caught, ain't spent a day in jail. She sure looks good in that long black veil. Black widow, she's a carnal mistake. She's the last bad choice any man is gonna make. Her grieving heart heals up awful quick. Didn't take long to find husband number six. He's a little nice. Sais-tu qu'elle t'attendait pour oser t'imposer? Tu l'as bousculée, son humeur t'est-elle disposée pour la lui gâcher? Tu l'as croisée à la tombée de la nuit. Pensais-tu que son corps t'appartenait pour oser le toucher? Pour oser le toucher, pour oser le toucher. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. Si elle rétorque, tu lèves la main. Tes yeux en rage, elle baissera les siens. Si elle n'est pas sage et qu'elle te dégage, tu insultes, menaces son courage et son audace. Tu crayonnes son visage de honte et de rage. Dominer cette soumise, prouver ton emprise. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. Ni tes envies, ni tes ardeurs, n'imposeront la terreur. Ni tes envies, ni tes ardeurs. n'imposeront la terreur, ni tes envies, ni tes ardeurs. Elle est française, elle s'appelle Manon Tanguy, c'est une nouveauté dans Planète Indie comme beaucoup aujourd'hui. Le morceau s'intitule « La taille de sa jupe », l'histoire ne dit pas eh bien, si la veuve noire du morceau de Lynn Hanson portait aussi la jupe. Pour suivre, on va écouter Diane Mank, une autre nouveauté, avec un morceau intitulé « Secret Lover ». On termine rien qu'avec des femmes, hein, Lynn Hanson, Manon Tanguy, Diane Mank, après ce sera Steph Sini et puis Cosmic Soulfire. Diane Mike donc avec Secret Lover, ça c'est tout de suite, et puis après cela on repassera en revue en vitesse la programmation de la Rockale pour le mois qui vient. Never been the type to say what I feel. Keep everything inside. With you, it was no different. Wanted to tell you, and I've tried. There's a part of me that just can't take the chance. I doubt you'll ever know. Which may be fine with you, but it's killing me. So I choose not to let it show. I'm your secret lover. That name fits so right. Don't know what I love about you. You're on my mind day and night. There's a part of me that just can't take that chance. I doubt you'll ever know. Which may be fine with you, but it's killing me. So I choose not to let it show. Say my name. Maybe it's the way you smile. Then again, it might be just everything. Getting to know you is worth my while. There's a part of me that just can't take that chance. I doubt you'll ever know. But it's killing me. So I choose not to let it show. I guess I'll never know what it is. What attracted me to you. I'll admire you from a distance. Cause I'm not sure what else there is to do. Voilà, c'était donc comme annoncé Diane Mank avec Secret Lover. Au niveau de la Rockale, aujourd'hui, eh bien, il y a Sting qui vient nous rendre visite. Mais si vous n'avez pas de ticket, eh bien, n'y allez pas parce que c'est sold out. Ou alors vous devrez acheter au marché noir. Voilà. Le 4, ce sera Ghost. Il y aura aussi Neil Morse Band, le 4. Le 5, Soulwax. Le 5, il y aura aussi Julien Doré. Bah, ça va être chargé, le 4 et le 5. Hein, deux concerts chaque soir. Le 7, Fritz Kalkenbrenner. Le 12, Haken. Le 12 aussi, Dog Eat Dog. Le 15, Collega. Le 18, c'est la venue de Simple Minds. Le 22, Bob Dylan. Le 23, Anti-Flag. Le 24, il y aura la Foire Internationale des Disques. C'est déjà la 14e édition. Le 26, Vianney, mais c'est Sold Out aussi. Le 27, Los Alice House. Le 28, Vicky Leandros. Le 30, ce sera le Roller Derby. Le 2 mai, eh bien, c'est la venue de Loïc Notem, mais c'est complet. Et le 3 mai, Noah Gutiérré. Le 5, c'est la soirée Rock Against Cancer. En ce qui nous concerne, nous, notre prochaine émission, le numéro 384 de Planet Indie, eh bien, elle se fera le 6 mai, le samedi 6 mai, entre 17h et 18h30. Cette émission-ci sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 aussi. Et puis, vous pourrez retrouver le podcast sur notre site internet dès ce soir ou dès demain, suivant eh bien, le temps dont je disposerai, parce qu'aujourd'hui, je vous avoue que je suis un peu pressé. Voilà. On poursuit en musique avec Steph Sini et le morceau Risk It All. Et puis on terminera avec Cosmic Soul Fire. Rain, rain, rain, pouring down on me. On nous l'avait annoncé pour aujourd'hui. On en a eu un petit peu, mais pas trop finalement. Donc ça va encore. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, une bonne soirée, un bon week-end. De belles journées au mois d'avril et on se retrouve donc le 6 mai entre 17h et 18h30 pour l'émission numéro 384 de Planet Indie. Bonne soirée, à bientôt. So you spend your days afraid of everything it will take to be free. It may not be pretty the way you think it should be. We'll be right back. que le morceau il paraît un peu bizarre. Donc on va s'arrêter là. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures de Planet Indie. Et bonne soirée, à bientôt. Et puis encore un petit mot à vous signaler avant de partir définitivement et de prendre congé de vous. Je vous avais dit que l'édition vinyle de l'album d'Arda and the Stolen Moon devait sortir. Bah, il est sorti, moi j'ai reçu mon exemplaire. Je vous mettrai la photo de l'album sur la page Facebook. Voilà, retour à la musique. Bonne soirée, à bientôt et à dans un mois.